êtes dans la zone 89.1. C'est cool dans tes oreilles. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui, Assemblage requis. Jean-Samuel Guy sera là pour nous parler de véhicules à roues dans PRNDS. Marie-Laurence Audet sera là déjà de retour avec sa chronique Le Loisir bien plus qu'un jeu. Et on explorera notre côté osé dans Kinky Sexy Time. Assemblage requis commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis ce mardi 11 février 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. On est en direct des studios de Cifou à Trois-Rivières, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Plus que jamais. Oui, mais moins que demain. Ben, et voilà. Sûrement, ouais. T'as commencé les leçons de snow, tu me disais? Oui, hier. Est-ce que tu t'es planté? Est-ce que tu t'es planté? Ah, oh, pas mal tout le long, là. Ouais, c'est cool. Est-ce que tu l'as filmé? Ah, non, mais je sais pas si le gars à la remontée mécanique m'a filmé. Enfin, j'étais assez divertissant, je pense. J'ai même demandé à un moment donné. J'ai dit, en tout cas, au moins je suis diverti parce qu'on était tout seul. Donc, ben, plein de plaisir. Puis ce matin, deux jambes qui ont l'air de deux troncs d'arbres. Ah, voilà. Est-ce que t'appelles ça du surf des neiges, là, comme aux Olympiques? Ouais. Oui, je sais c'est, pas. C'est laid. Ouais. C'est remplacer un mot en anglais par un autre mot qui est en anglais mais qui est accepté en français. T'sais. Ouais, c'est ça, c'est un peu bizarre. C'est drôle. C'est ouais. Comme roulis roulant, au moins c'est en français. Pour le skate. Roulis roulant. Roulis roulant, toujours très très bon. Roulis roulant, pas de roue. Donc, je fais du roulant. Ouais. De roulant, c'est ça. Ouais. Bref. Ouais. Là-dessus, okay. Passons à autre chose. Bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour, oui. Aujourd'hui, l'émission, on a Marie-Laurence Audet à 8h avec sa chronique Le Loisir bien plus qu'un jeu. Elle qu'on a déjà retrouvée à l'émission hier. Elle faisait oui. La fête de la GE, donc deux chroniques de suite. Elle est polyvalente? Oui. Et... une vraie école secondaire. Ah, hein. Oh. On a aussi. Je commence. Je me dis, mou, là, il faut que quelqu'un plug le. J'espère que t'allais le faire. OK. Oui. Je vais pas te voler ta blague. C'est mais vrai non. Que quand c'est une blague facile, je devrais te laisser. C'est facile. Oh. Je fais la primus, c'est correct. C'est une blague. À 8h30, on fera King Sexy Time. On va aussi faire d'autres petites affaires autour de ça. On va débuter, par contre, dans quelques instants avec Jean-Samuel Gay, sa chronique PRNDS. Par contre, avant ça, nouvelle entrée de Jacques Mort. Voici Squelette de bois. Sur Cif. We'll be right back. Une nouvelle entrée de Jacques Mars sur le palmarès francophone, c'est Squelette de bois en 19e place. Oui. Oui. Jean-Philippe, on parle de voiture tous les matins à 7h30 et on reçoit Jean-Samuel Gay. Bonjour à toi. Bon matin. Hey, j'ai amené des écouteurs un matin. Ah, c'est cool ça. Ben, Caroline, hein, parle-moi de ça, tu sais. C'est sûr que tu pourrais aussi les mettre sur tes oreilles. Oui, mais ils ne branchent pas dans la grosse prise d'handicapé qu'on a ici. C'est ça, exactement. qui sert pour 1% de l'usage de la vie en général, c'est-à-dire quand on va à radio. Mmh. Ah, voilà. Ou quand tu utilises un vieux système de son de tes grands-parents. C'est ça. Mmh. Avec une télécommande à fil. Clac, clac, clac. Pour la télé. Hey, d'ailleurs, mon frère vient de s'acheter ça. Là, il contrôle tout ce qu'il y a dans sa chambre comme appareil électronique avec son téléphone. Ah, c'est le fun. C'est un Nest, genre, où les trucs, le chauffage, les lumières, les spies, ça. Oui, ouais, exactement. C'est les lumières, c'est ça. Mais pas le chauffage, parce que ça, on s'en fout. Ouais. Il fait frette, c'est tout. Ouais. Il est dans le fond tout le temps. Avec, il n'y a plus d'argent pour payer le chauffage. Non, c'est ça. Ça y a tout coûté. D'ailleurs, c'est justement le genre de personnage qui va aller s'acheter des bébelles électroniques avant de s'acheter de la bonne nourriture. Mais tu vois, je le comprends. Ouais, et moi, ouais, je continuerais bien de parler de ça. Mais malheureusement, c'est pas le sujet pour lequel on te reçoit. C'est les voitures. Et ça me touche un petit peu moins. Donc, j'essaie. Moi, je suis un débutant là-dedans. J'essaie d'absorber la matière un peu comme un bon étudiant universitaire. Là. Et il se passe plein de choses dans ta vie en ce moment. Et on commence avec Colin, tu permets un méga trip, hein? Oui, exactement. Je m'en vais en Floride durant la semaine de relâche avec ma copine. D'ailleurs, elle a de la parenté là-bas. Donc, on va aller faire un petit tour dans ce coin-là. Puis, c'est pas parce qu'on est un peu snob qu'on décide d'aller en Floride. C'est parce que, comme vous pouvez le remarquer, si jamais vous êtes une personne qui sortait de votre maison, il fait frette. Oui. Ah! Tellement désagréable. Je déteste ça. On n'a pas d'énergie. C'est pas le fun de sortir. Tout est une aventure désagréable. Juste pour m'en venir de ma voiture jusqu'à ici, c'était pas une... Tu sais, je gambadais pas, là. C'était une posture un peu bizarre. C'est pas... D'ailleurs, j'étais déjà allé à Miami pour le lancement de la Mercedes B250, une voiture de petite vieille. Mais quand même, j'ai bien aimé l'expérience. Pour déjà aller à San Francisco... San Francisco, c'est un peu différent. Et... C'est montagneux, c'est des collines. Oui, oui, oui. C'est intéressant quand tu rentres un peu plus loin dans le pays puis que t'as de la chaleur, mais... Quand t'es à San Francisco, il peut arriver n'importe quoi. Quand j'étais à San Francisco, j'étais allé dans une espèce de périple pour voir l'océan Pacifique, parce que tu veux le voir à un moment donné. Mm-hmm. Puis quand je suis parti, il faisait le gros soleil, il faisait 25 degrés, les enfants jouaient dehors avec les cerfs-volants puis tout. Puis le temps que j'arrive là-bas en métro, c'était tempête, les arbres étaient couchés. Il y a une mère qui mettait son foulard à son enfant. Et moi, je suis sorti là, je suis en T-shirt avec un gilet du Canada. Fait que Miami, Floride, c'est un bon choix. Et c'est quelques 2400 kilomètres. Ouais, c'est pas rien. C'est beaucoup. Ça met du millage sur une voiture, n'est-ce pas? Tu vas pas avec une voiture de location où t'as très peu de millage. Hein? Mm-hmm. Non, exactement. Taxi! Oui. Je pense que t'as des compagnies de location parce que tu peux avoir kilométrage illimité pour un certain montant. Fait que, Ça peut valoir la peine, renseignez-vous. Tu peux t'essayer. Louis C.K., un des humoristes américains, disait qu'il avait déjà loué une voiture avec je sais plus trop quelle compagnie de location. Puis il était pressé, il avait pas le temps d'aller la rapporter au bureau de location. Fait que il l'a laissé à l'aéroport avec les clés dedans. Puis quand il était sur le tarmac, dans l'avion de l'aéroport, il a appelé. Il a dit « Ben écoutez, j'ai pas le temps d'aller vous l'apporter. Il est à l'aéroport. » Puis là, l'employé, il dit « Mais là... Je peux pas faire ça, voyons, qu'est-ce que vous faites là? Ben, je suis désolé, j'ai pas eu le temps, mais si vous la voulez, elle est là. Moi, je suis dans mon avion, je décolle. Oh! On se rappelle. OK, on va aller la chercher. Lui a réalisé que dans le fond, là, t'sais, il voulait que. T'sais, ces gens-là voulaient que t'ailles la porter, puis que tu signes tes papiers, puis que tu mettes mais les kilométrages et tout. Mais c'est pas nécessaire, t'sais, tu pourrais quasiment rouler avec dans la rue, puis à un moment donné, juste sortir de la voiture, puis la laisser rouler. J'en veux plus. Elle roule à quelque part, c'est à la 27e avenue. Là, si il y a un GPS là-dedans, ouais, c'est ça. Puis oui. Trouvez là. Fait que c'est ça, ça va être un gros trip. J'ai une espèce. Je caresse sexuellement l'idée de m'acheter un détecteur de radar. OK. Oh, OK. C'est louche un peu, ça. Caresser sexuellement ou le détecteur de radar? Le premier, c'est louche. Le deuxième, c'est peut-être pas légal, hein, c'est ça? Non, mais c'est légal. C'est légal. Ouais. Ah. C'est au Québec. Ah. C'est partout au Canada? Ou c'est juste au Québec? C'est une bonne question. Je pense que c'est partout au Canada. Ouais, ça ferait du sens. Eh bien. Puis, tu sais, pour avoir déjà participé à des espèces de trips de rassemblement de voitures, il y en a qui ont des espèces de kits hallucinants. Tu sais, t'as des détecteurs de radar, t'as des brouilleurs de radar. Tu t'arranges pour pas que ça brouille le tien. Non. Sinon, tu sais, tu viens d'annuler le... L'effet. Ouais, exactement. Fait que, tu sais, tu peux avoir une espèce de gros kit puis rouler à une vitesse qui est convenable. Parce qu'on s'entend-tu pour dire que quand tu roules sur l'autoroute, t'es capable de rouler le double sans tuer personne. Oui. Mm-hmm. En général. Dans des conditions optimales. Surtout toi, tu as un Audi A4, j'imagine que tu as souvent l'impression que tu es à 120, mettons, puis tu pourrais rouler 240, puis la voiture pourrait le prendre en masse. Si maman m'écoute, j'ai jamais fait ça. Non, mais non. Je vous encourage vraiment pas à faire ça. C'est pas ça que je suis en train de dire. Là, respecter les limites de vitesse, c'est important parce que. Mais t'as le goût. Ben, non seulement t'as le goût, mais en plus, la voiture est faite pour. Elle est faite pour ça. Ouais. Puis en Allemagne, une autoroute, ça s'appelle pas une autoroute, ça s'appelle un autobahn. C'est le nom allemand pour autoroute. Et dans certaines portions de cette autoroute-là, il y a des endroits où il n'y a pas de limite de vitesse. Ah, aucune. Puis il n'y a pas tant d'accidents. C'est juste quand il y en a un. C'est un maudit accident. Ouais. Ouais. Les gens se responsabilisent. D'ailleurs, il y a plus de voies aussi, mais les voies de gauche, c'est seulement pour les dépassements. Fait que si tu as besoin de dépasser, c'est la voie de gauche, puis tu fais pas Verdun-Rivière-du-Loup dans la voie de gauche. Start-moi pas, là. Oh! Faire Montréal-Trois-Rivières, puis Trois-Rivières-Québec, assez souvent, pas grand monde qui comprenne ça. Non, puis tu sais, Carl Nadeau, un de mes collègues journalistes, disait sur Facebook récemment, c'est pas à vous de décider si la personne qui est en arrière de vous roule trop vite ou pas, tu sais. Tassez-vous de la voie de gauche. Tassez-vous de là. Ouais, mais lui, parce que je roule à 120, puis là, lui, il roule bien plus vite, puis là, c'est tasse-toi. Juste tasser. C'est, les policiers sont là pour déterminer si la vitesse du véhicule qui est à l'arrière, qui est en arrière de toi, qui est en train d'essayer d'avancer depuis une demi-heure, est trop vite. Et à ce moment-là, t'as juste à te tasser, le laisser passer. Puis après ça, les policiers décideront. Le gars, c'est peut-être un pompier bénévole qui s'en va sur une scène. C'est peut-être quelqu'un qui a les testicules coincés dans sa fly de jeans. Oui. C'est pire. À qui c'est pas déjà arrivé? Qui nous lance la première pierre. Première pierre, Pierre Aurin. Oui. La première pierre Aurin. Et voilà. Fait que tassez-vous. Puis un autre aussi, il y a deux facteurs à tout ça. Si tu veux avancer plus vite que le véhicule qui est en avant de toi, mais que le véhicule n'a pas de place à se tasser, t'as pas besoin d'aller essayer de cogner ton pare-choc avant sur son pare-choc arrière, flasher tes hautes, klaxonner, tournoyer, il va se tasser à un moment donné, là! Donne-nous la chance, se dit, excusez, ils ont du droit de sacrer ici. Ben, pas tant, mais légèrement, c'est pas légèrement. Il va se tasser à un moment donné. Fait, c'est venu chercher en dedans. Moi, oui, vraiment, on le voit, tu sais. C'est ben, pas sans comme les Olympiques, tu sais. Oui, non, les fameux Olympiques, ça nous enrage moins. D'ailleurs, avez-vous vu les pubs reliées à l'homosexualité dans les Olympiques? Oui, celle avec la luge, hein? C'est très drôle. Oui, moi, j'ai vu celle, c'est de l'équipement sportif. Vraiment bonne. Il y a Patrice Lemieux aussi, c'est Boris, qui est ressorti avec une espèce de gag très drôle. OK. Oui, c'est, on s'en est parlé un petit peu. C'est le gars de Chess Bros, hein, c'est ça? Oui. Celui, ça? Okay. C'est le même gars. Je sais pas, celui, ça? Oui, il me semble que oui. Je pense que oui. Il me semble que non. Non. Non. Pas sûr. Mais c'est celui du Bye Bye. Ah, celui, oui, oui. Il y a le gars qui jouait le joueur de hockey dans une parodie du Bye Bye. OK, voilà. Ah, ça, exactement. Je suis à jour, là. Donc, automobile. Fait que c'est ça. On va croiser toutes sortes de comportements sur les routes durant ces 2400 km. Et tout comme l'usage d'un barbecue, je sais pas pourquoi, moi, j'aime mieux m'en servir. J'aime mieux que ce soit moi dans le couple qui l'utilise. Qui était pas aussi mauviette que moi, mettons, qui a peur que ça pogne en feu. Là. Le char ou le barbecue? Les deux. Les deux. On va t'acheter un char. Et un barbecue? Et un barbecue. OK. Puis si on est mal pris, on fera les deux en même temps. Oui. Fait que c'est ça, monsieur. Pas mal moi qui risque de faire le long de la route. Et il y a un élément super important que ma copine me disait, c'est que entre minuit et 6 heures, tu voyais des sorties de route à cause des gens qui s'endorment. OK. Ça, c'est super dangereux. Tu sais, là, tu commences à cligner des yeux puis tu perds des petits bouts. Ça m'est déjà arrivé une fois. Ouais. Tu sais, le premier clignement d'œil, hop, hop. Wow. OK, première sortie, let's go, on sort. Puis, un petit je suis pas dormir dans ma voiture. Moi, confortable que... ta voiture, tu l'as choisi pour qu'elle soit confortable au sommeil, ouais? Pas vraiment. Pas vraiment. Mais ça la donne comme ça. Exactement. Mais c'est plus confortable que de se faire sortir de sa voiture sur une civière, n'est-ce pas? Ou avec des pinces des incarcérations. Fait que c'est ça. On va essayer de bien jauger nos heures de sommeil. Mais toi, Jean-Philippe, tu me disais que tu étais déjà allé en Floride, one shot. À Myrtle Beach. Myrtle Beach. On a hésité parce que, dans le fond, c'est un peu le même concept. Mais j'étais dans un autre programme à Montréal. Puis avec un ami, on s'est dit sur un coup de tête, oh, ce serait cool, pendant la semaine de relâche, on s'en va. Donc, on s'est dit, on va aller à Myrtle Beach, parce que Virginia Beach, c'est pas assez chaud. On s'est dit, Myrtle Beach, ça va être correct, il annonce dans les 15 degrés. Puis finalement, quand on est arrivé là... Il y a eu un incident à New York. De parcours, oui, c'est ça que le douanier nous a dit, puisque inconscient comme on est, nous, on est juste partis, tu sais, avec une paire de shorts, puis deux, trois jeans, puis en tout cas, pas grand-chose. Et votre bon humeur. Oui, c'est ça, des chaises de camping, un brûleur, du craft dinner en masse, puis voilà. Puis on est parti, puis le douanier fait « Ouais, OK, c'est ça, ouais. Vous allez à Myrtle Beach, très drôle. Combien de temps? » On dit « Oh, bon, pour de vrai, on sait pas trop. Là, on n'a pas rien réservé. on fait juste s'en aller là-bas. » Puis là, il nous dit, ben, ça va, c'est parce qu'il annonce comme la pire tempête à New York. On dit, ah oui, c'est ça. Mais sûrement, ça. Là, une tempête à New York. C'est parce qu'on vient du Québec. Oui, c'est ça. Mais finalement, c'était vraiment une méchante tempête. J'ai des belles photos de policiers qui sont pris dans les bancs de neige sur l'autoroute. Même s'il y a moins de neige qu'ici, c'est qu'ils n'ont pas autant de matériel pour déblayer la neige. Fait que ça non, a c'est pire. Exact. Puis les grattes étaient complètement genre dans le fossé. On a eu du fun, ça nous a ralenti un peu. Mais on est allé straight pipe, comme qu'on dit dans le jargon. Mais on est allé direct, sans arrêt. On n'a pas. En tout cas, je faisais des petites sommes quand c'était mon ami qui conduisait, puis vice-versa. On s'est relayé un petit peu juste avec des power naps. Puis ça a été très le fun. Vraiment des belles anecdotes là, qui peuvent sortir de là. Là. C'est incroyable. Ah, c'est sûr. Puis en plus, ma copine est tellement conviviale en voyage. Puis dans la vie de tous les jours, d'ailleurs, elle est tellement. Tellement douce et sympathique. Et si on va en voyage, on lui demande de venir nous autres. Exactement. Ouais. C'est la candidate idéale. Si jamais vous voulez faire un voyage, quoique vous avez besoin de mon accord. Ah, d'accord. Je pensais que c'est comme une hôtesse de l'air, mais tu sais, qui suit tout le temps avec la voiture, un peu comme dans un avion. Non, ça marche pas comme ça. J'ai jamais fait le périple. Partir au fret à moins 30, puis tu sais, le vivre graduellement, tu sais, la température acceptable pour le corps humain. Tu sais, j'ai jamais vécu ça. Ouais. Ce que j'ai fait, c'est partir d'une tempête, puis arriver là-bas, puis vraiment chaud, palmier, puis le sable, puis yeah, c'est ça la vie! Les maracas. Un gros plaisir qu'on a eu, c'est laver mon auto. Puisqu'on est parti, tu sais, du Québec, en tout cas, tu sais, c'était saleux, comme qu'on dit. Fait que j'avais plein de calcium partout. Il y a eu la tempête, en plus, à New York. Fait que mon char était vraiment dégueu, là. Fait que, arrivé à Myrtle Beach, je pense que c'est la première affaire qu'on a faite, parce qu'on se faisait spotter pas mal. Tous les chars sont hyper clean, parce qu'eux, ils n'ont jamais vécu le calcium. Mm. Puis nous, on est arrivé avec mon char plein de sel, toute la carrosserie qui tord. Mais ça, c'est une affaire pour votre voiture. Plus souvent possible, vous êtes capable de la laver. Au moins une fois par mois, là. Okay. Parce qu'il y en a qui n'ont clairement pas été lavés de l'hiver. Ouais, une fois par saison, ça. Mm. Ouais, non, c'est ça. Essayez au moins une fois par mois, minimum. Ça fait du bien, la voiture. Pendant un petit redout. D'ailleurs, t'as dû remarquer que dans les endroits où il n'y a pas de neige, où il n'y a pas de calcium, les voitures sont d'un état assez impeccable là, au niveau de la carrosserie. C'est impressionnant. Sauf sur le bord de la mer. Des fois, les voitures sur le bord de la mer... Il y a comme du sable pareil. Hein? Il y a comme du calcium en masse qui vient rentrer un petit peu partout. Mais en général, c'est d'ailleurs un des endroits idéals pour acheter une voiture avec un petit peu d'âge, un petit peu d'usure. D'acheter, mettons, une BMW ou une voiture antique. Si t'es capable de la prendre aux États-Unis, tu trouves pas ça trop compliqué de remplir 2-3 papiers pour les douanes, c'est vraiment idéal. Sinon, un véhicule qui a jamais sorti l'hiver, sous le temps... Mm-hmm. Tu sais, si t'ajoutes une lampe qui a jamais sorti l'hiver, on s'en fout. Mustang 69, s'il n'a pas sorti l'hiver, ça c'est un bon point, par exemple. Ouais. Cette semaine, essai de la Hyundai Elantra GT. Oui, GT, qu'est-ce que ça veut dire, ça, GT? Hein? GT, en fait, avant, il l'appelait la Hyundai Elantra Touring. Donc, c'est la 5 portières, okay. Un haillon. Mais dans le fond, ils l'ont pris directement sur la voiture européenne. Donc, c'est la Hyundai i30. Fait que c'est une voiture qui n'est pas vraiment pareil que la Hyundai Elantra standard, qui se voit un petit peu plus matante. OK, donc ils ont juste repris la marque, mais c'est pas une voiture matante comme c'était avant. Exactement, puis ça prend les mêmes lignes, c'est les mêmes formes et tout, mais ça n'a pas le même châssis, c'est pas la même plateforme, et ça vient avec un tout nouveau moteur de 2 litres à injection directe de carburant. Et c'est comme un Pepsi, ça, 2 litres. Ah. Qu'est-ce que c'est que l'injection directe de carburant, mon cher Mathieu? Ouais, qu'est-ce que c'est? Ça se boit pas. Ça se boit pas, effectivement. Non. Y a-tu diète aspartame, quelque chose? Non, y a rien. Absolument pas. L'injection directe de carburant, c'est qu'au lieu d'avoir le jet d'essence qui est distribué directement dans les tubulures, c'est dans le cylindre. Donc, on gagne un petit peu en espace et on gagne en rapidité de réponse du moteur. Fait que ça, c'est pas mal tous les moteurs qui s'en viennent avec l'injection directe de carburant et de la turbocompression. Mais on ne sait pas le cas pour la Hyundai Elantra GT, qui n'a pas besoin de turbocompression grâce à son moteur qui est assez vigoureux. Une très bonne job. J'aime bien cette voiture-là. Si vous magasinez pour une voiture compacte, avec de l'espace, parce que le haillon, la cinquième portière, est très pratique pour ranger n'importe quoi. D'ailleurs, j'ai transporté un chien hier de Québec jusqu'à Trois-Rivières dans un... comment qu'on appelle ça? C'est pas un thermos, une cage. Dans une thermos, ça chien. Un thermos. Tu peux le prendre chaud, tu peux le prendre dans une tasse. C'est pas un hot dog. Fait que j'ai transporté le... C'est vraiment le fun, le cinquième portière. Là. D'ailleurs, j'ai des semi-croquants à chaque fois que je vois des voitures hyper performantes à 5 portières. Ça fait bizarre, hein? Des familiales. J'aime ça. Tu sais, mettons, une Audi RS6. C'est extraordinaire. C'est comme 140 000 piastres. Voiture familiale, tu peux amener toute ta famille, le camping, le stock au complet, le chien en arrière. Tu as vraiment beaucoup d'espace, mais tu as un moteur du feu de Dieu. Tu es capable de passer en avant d'une Corvette ZR1 avec ça sans problème. Une Corvette ZR1 qui est, selon moi, une voiture ultra puissante, sportive, deux portières. Tu vas voir le gars qui est là, probablement avec un foulard et du bleach des cheveux, sans vouloir porter de jugement. Ah, ben non! Mais non. Je me promenais en Corvette l'été passé, puis je trouvais ça drôle parce que tu sais, il y a un proverbe là, qui vient avec cette voiture-là. Moi, je me sens. Semblerait-il. Tu le connaissais? Non. Le fameux proverbe. Grosse Corvette. Toute quéquette. Sellette. Oui. Moi, je suis comme, c'est pas vrai. Sonnette. Ça n'a pas concerné pas, toi. Regardez-moi. Non, non, non. C'est hallucinant. Un moteur V8 de 7 litres qu'il y avait dans la Corvette et ils ont décidé d'ajouter une ligne pour d'échappement Corsa. Ça, c'est juste pour encore pour la sonorité. Oui, pour le son. La pétarade, c'est hallucinant comme voiture. Donc, j'aurais pu me faire passer par une Audi RS6 à ce moment-là. Tu sais, tu te sens au sommet de ta gloire, personne n'est capable d'aller plus vite que moi. Comme, j'atteins le 0,50 km/h le plus vite au monde. Puis là, t'as une voiture familiale avec... des enfants en arrière. Tu sais, les enfants dans les fenêtres là, qui font, ils font la grimace. Là, puis tu vois qu'ils passent vraiment plus vite que toi. Là. Un autre qui écoute Babar, tu sais, sur le... Ouais, c'est ça. Le chien qui te pointe de la patte, qui fait « Hey, regarde ça, je suis meilleur que toi. Hey, » moi, je trouve ça un peu drôle. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo sur YouTube d'une Lada familiale de même qui passait devant une Porsche qu'on n'a pas réussi à voir parce qu'elle est un peu vite. Mais une Porsche 911 Turbo qui est aussi une espèce de voiture de marque dans cette catégorie-là. Donc, une Lada familiale qui semblait rouler à des vitesses effarantes. C'est un petit peu insultant pour les gens. Qui ont des Porsche. Voilà. Un chandail Porsche avec le numéro, le chiffre 8. Oui, absolument. De Martini Racing, qui est l'écurie de course de Porsche. Okay. Et d'ailleurs, c'est les couleurs officielles de cette écurie-là. Si vous rentrez dans une concession Porsche, comme j'ai fait hier, ils vous diront tous, beau gilet. Mais ici, ça passe inaperçu. Les gens ne le remarquaient pas. Ah. Mais la vidéo que je vous ai parlé de la semaine dernière du Cam4 va sortir très bientôt. Oui. Les essais de 911 et de Cayman dans la neige. Très hâte que ça soit sorti. On travaille là-dessus au montage. Il y a beaucoup de petits détails qu'on est en train d'arranger pour que la vidéo soit peaufinée. Mais en attendant, je vous suggère d'aller voir la page Facebook, PRNDS. PRNDS, vous savez tout ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Ben oui. Moi, oui. Toi, tu sais aussi? Oui. Donc, c'est le chemin du levier de vitesse automatique sur une voiture. Parc reculons neutre drive sport. Plus, moins. Plus, c'est moins. C'est maintenant pour les automatiques qui sont... Des fois, c'est PRND L21. Ah, oui, ouais, c'est vrai. C'est plus familial, ça. Bon, c'est proche d'être 1, 2, 3, 4, 5, R aussi. Ah, moi, j'aime Pernz. Comme je dis. Pernz. PNS. Avoue qu'à chaque fois que tu rentres dans ta voiture, Mathieu, tu t'en aperçois? Non, c'est vrai. Non. Tu n'as pas de voiture. Non, pas de voiture. Et celle de ma copine est automatique aussi. Ah bon, mais j'imagine que tu vois le PRNDS dans ta voiture automatique. Ah, tu peut-être. Penses à moi tous les fois. Oui. Il va falloir, hein, éventuellement. Je vous suggère d'aller voir le Facebook de cette page. Donc, facebook.com/prnds.net. On a une vidéo de la semaine qui parle de la Ford Fiesta et de la Volkswagen Jetta. Sinon, la vidéo de Porsche que je vous parle va être disponible dès vendredi cette semaine. Et en attendant, on va aller filmer ce week-end avec une belle Mercedes-Benz CLA, la nouvelle coqueluche de Mercedes-Benz. Qui, ça fait un peu fraîchier, hein, Mercedes-Benz. Oui, quand même. On dirait le Benz de Jean-Marc Parent. Mercedes. C'était ça la blague, je pense, lui. Hein, c'est une référence à ça. Mercedes-Benz, c'est un gag qu'il faisait. C'était. Laisse donc faire. Mathieu s'essaye. Sinon, on te lit aussi dans Zone Campus aux 2 semaines. Oui, absolument. C'est super divertissant d'écrire aux Zones Campus. C'est le fun. T'as un numéro qui sort aujourd'hui, ça veut dire ça? Aujourd'hui, 11 février, c'est là que ça sort. Je l'ignorais. C'est vrai. Et j'ai bien hâte de voir ça. Peut-être que la semaine prochaine, je vais faire un espèce de petit article par rapport à l'automobile sur la vente pyramidale. OK. Oh, j'allais à une réunion le 2 semaines. Hey, viens-t'en, on vend des télécommunications. Puis c'est pas pendant de la vente pyramidale. Tu sais, t'as un gars au-dessus qui vend à 2 autres personnes, qui vend à 4 autres personnes. Puis il marche en faisant walk like an Egyptian. Oui, tu vois que c'est une pyramide, ça, là. Il y a une mascotte en forme de chat. Ouais, c'est ça. En passant, si vous voulez savoir si c'est de la vente pyramidale ou pas, c'est quand le produit qu'ils vendent, c'est comme juste un subterfuge pour recruter des gens. Oui, oui. Puis un petit truc, si vous êtes à une rencontre que vous trouvez un peu louche, là, vous avez l'impression que vous faites arnaquer, tapez le nom de l'endroit auquel vous êtes, ouais. L'organisation dans Google. D'habitude, ça en dit beaucoup, Google, je sais pas. C'est hein? Quelque chose, ouais, Google. Quand que ça sort juste arnaque pyramidale, etc. Elle est jamais là. Peut-être que c'est le cas. Fait que je vais en parler peut-être dans une prochaine chronique. J'aimerais ça. Ça, c'était très drôle d'ailleurs. Quelle perte de temps. Monumentale. je me suis fait sortir. Ah, oui. Okay. Oh, ils m'ont demandé de sortir. Ouais. Ben, quand t'allais genre... leur ouvrir les yeux, j'imagine. Oui. J'ai hâte d'entendre ça. L'anecdote. Ouais. Dans quelques semaines ou quand t'auras envie. Ouais, donc, c'est déjà tout? À moins que vous voulez qu'on continue de parler. Si je savais que tu avais encore quelques derniers sujets, si tu veux qu'on les aborde, il te restait le comportement sur la route. Oui, le comportement des gens, ben encore là, c'est rester à gauche quand c'est pas le temps de dépasser, c'est tout le temps. En passant, la Sûreté du Québec, je sais pas si j'en avais parlé la semaine dernière, mais la Sûreté du Québec a mis en place une nouvelle loi qui dit que s'il fait tempête de neige, même si vous êtes dans une limite de 100 km/h, puis que vous roulez à 100 km/h, puis tout le monde roule à 60, vous allez avoir une contravention. Donc, si vous roulez plus vite que tout le monde, même si vous respectez la limite de vitesse, puis que les conditions routières sont pas favorables à ce que vous rouliez plus vite, vous aurez une contravention à ce moment-là. Ce qui est tout à fait normal. Fait que quand vous voyez une espèce de mongol qui vous dépasse à 120, puis tout le monde roule à 60, mais ça, c'est aussi dangereux. Donc, il y a des contraventions qui sont mises en place pour ça. Fait que soyez prudents sur la route. Et en passant, je me suis informé aussi, il y a une contravention pour suivi de trop près. Ah, moins de, c'est quoi, c'est 2 mètres, 1 mètre? Je sais pas, c'est à la discrétion du policier à ce moment-là. Ah, mais c'est dur de contredire en plus parce que... C'est tellement le fun, ça, parce que ça m'arrive tellement tous les jours. Ah. C'est des espèces de... Comment qu'on les appelle ce matin? Des espèces les de... Colleurs. Malautrus. Ah, malautrus. On peut les appeler des fascistes. Espèces de fascistes. Je sais pas, là. Qui nous suivent de trop près. Mais ça arrive tout le temps quand on conduit une petite voiture. D'ailleurs, tous les fois que j'essaie une Fiat 500, je m'aperçois à quel point c'est difficile. D'avoir du respect. Dans une micro-voiture. Les gens viennent comme te montrer qu'ils sont plus gros que toi. C'est comme, hé, hey, impeccable, tasse-toi, je suis là. Je suis en arrière de toi. Tasse-toi. J'ai des hautes. J'ai des basses. Tasse-toi. Hey. Puis le pire, c'est que la semaine d'après, je peux me retrouver dans un Ford F-150 Raptor qui est comme surélevé, des gros pneus en route extraordinaire. Puis là, je comprends pourquoi les gens font ça parce que t'es plus gros que tout le monde. Sans comme tasse-toi, ça. Man. Avec ta brouette. Invincible. Puis c'est pas nécessairement de... Tu sais, quand t'es dans le trafic, le trafic, en passant, ça vient un petit peu dérégler le cerveau humain parce que l'être humain, habituellement, il va vaincre un problème de deux façons. Soit en l'attaquant, soit en le fuyant. Puis le trafic permet aucune de ces deux solutions-là. Quand t'as un Ford F-150 Raptor, c'est pas nécessairement de rouler par-dessus les voitures qui est le fun. C'est de savoir que tu peux le faire. Ouais. Est-ce que tu vois encore beaucoup de Hummers sur la route? Ou les gens les ont tous vendus? Hein? Fini depuis 2010. C'est exposé. Il y avait une espèce de rencontre avec une marque chinoise. Donc, la marque Hummer aurait pu être achetée par une marque chinoise qui est Sanxion, si je ne me trompe pas, qui est une espèce de regroupement chinois qui est quand même assez puissant. Mais imaginez ça un peu. L'emblème américain. Contrôlé le plus par des Chinois. Américain possible, vendu à des Chinois. Ah. C'est pas moi, quelqu'un a mis son pied sur le tuyau puis ça a bloqué dans le coude avant que ça se rende parce que. Déjà là que. On s'entend tous que la Bretagne et les Anglais ont colonisé quand même beaucoup de régions et de provinces dans le monde, n'est-ce pas? En fait, je pense qu'il y en a 2-3 endroits dans le monde qui n'ont pas été colonisés par les Britanniques. Un moment donné. Ouais. Et surtout l'Inde. Hein? L'Inde a été particulièrement colonisée à l'époque. Puis qui est-ce qui n'a pas racheté le plus grand emblème britannique qu'il n'y a pas en termes d'automobile? Jaguar et Land Rover? Une marque indienne. Tata Motors! Les gens... De Tata Motors. En plus. Oui! Qui en passant, multinationale indienne. Bon, les salut. En passant, je sais qu'on dit pas amérindien. Là. Je parle vraiment de la vraie oui, Inde. L'Inde. Pas l'Inde que Christophe Colomb s'est dit, bah, vous êtes des Indiens. Arrêtez-moi ici. Faites pas semblant. Hey, moi, je sors d'un bateau, OK? J'ai raison. Hey, dis-moi pas. C'est parce que t'as-tu un miroir dans tes affaires? Non, c'est moi qui décide. Ouais. Hey, c'est un beau personnage, on devrait ressortir ce personnage-là de Christophe Colomb. Quand même, le plus Colomb. Souvent. Le Colomb, c'est ça. Donc, prnds.net, facebook.com/prnds.net, Jean-Samuel Guy, merci. Oui, ajoutez-moi aussi sur le Facebook, dans mon Facebook personnel, okay. Jean-Samuel Guy. Si vous avez des conseils en automobile, sinon par téléphone, 418-999-6949. Et on te retrouve mardi prochain à 7h30. Bien sûr. Merci beaucoup. On prend une petite pause au retour. Marie-Laurence Audet et sa chronique Le loisir bien plus qu'un jeu. OK. So much more. So much more. Rassemblage qui pour toi aujourd'hui.

Broken Bells et Holding On for Life. Ah, Holding On for Life. Je sais pas pourquoi. Ouais, au retour, tu vois, tu sais, c'est sexy de même pour la chronique Kinky. Hein? J'ai la glotte pétée, mais j'ai une broken bell. Mais, comme on dirait une cloche, t'es en forme de. Comme un petit chat. Et que la journée est belle. Et maudit. Et maudit, maudit, maudit, je voudrais pas être vous autres. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes toujours à Assemblage requis en ce mardi 11 février 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Dans quelques instants, on va se faire Kinky Sexy Time. Je suis en train de reprendre mes mauvaises habitudes et je travaille là-dessus pendant qu'on se parle. Je suis en train de finaliser ça, les dernières petites retouches, là, comme sur une top modèle dans Photoshop. Oui, c'est ça, juste le temps de que sa peau soit impeccable. Bien lisse. Bien lisse. J'aime ça, t'sais. J'aime ça lisse. Oui. Ouais. Donc, on fait ça dans quelques instants. Avant, par contre, en musique, on s'en va entendre une nouvelle entrée du côté francophone. Cette fois-ci, on change de style musical pour aller dans le plus folk country style. Ben oui, avec Canaille. Ouais. Et une nouvelle entrée, Titanic. J'ai hâte d'entendre ça. Ouais. Je pensais que c'était Canaille, c'est pas la Titanic qui chante, là. Non. C'était Annick de petite taille, c'est pas. Non, la Titanic, non. Non, c'est pas là. Ta joke a coulé. Un peu. Elle a percuté un iceberg. Iceberg! Comme il disait. Je peux-tu te dessiner tout nu? Non. Disais ça dans Titanic. Oui, c'est vrai. Faisons l'amour dans une auto. On était une sperme dans le bois. Il disait ça aussi. On a fini sa montagne sur la croix. On y a cru, mais c'était pas ça. On veut un vrai lac la prochaine fois. On n'a pas de char pour y aller. Puis nos bus et les camps s'est fait tout voler. Canaille avec la chanson Titanic. Nouvelle entrée francophone, Mathieu. Ouais. Est-ce que dans le film Titanic, vas-y. Ah, moi j'y allais plutôt, sais-tu aussi, qu'est-ce qui est rentré ailleurs? Ah! Et meilleur, je vais prendre celle-là. Mais tu peux faire la tienne pareil. C'est Canaille avec Titanic. Oui, dans le film, est-ce qu'ils ont des relations là, sexuelles, Leonardo puis Kate Winslet? Oui. Mais tu vois, c'était beaucoup plus facile, beaucoup plus. Pas plus facile, plus drôle. Moi, la mienne, c'était plus facile, la tienne, c'était plus drôle. Tu veux que je la refasse? Moi, ça. Canaille avec Titanic! Oui, sais-tu. Qu'est-ce que j'ai dit, donc? Qu'est-ce qui rentre dans quelque chose d'autre dans la vie? De ça? Parce que c'est Titanic, ça rentre dans un iceberg, puis là, c'est la chronique de sexe, t'sais. Voici Kinky Sexy Time. On a manqué trois fois la blague, je pense. Ben, je l'ai eu bien la première fois. Ouais. Mais je t'avais coupé comme. Non. C'est-tu ce qui est coupé, non? Donc, c'est Kinky Sexy Time, la chronique qui s'adresse à un public plus ou moins averti. Soyez-en avisés, c'est ça. Hein? Oui. Donc, on parle de choses un petit peu plus osées. C'est comme si c'était un fait, mais version kinky. Kinky ou encore juste sexuel ou orientation sexuelle, et ça me fait bizarre de commencer avec ça parce que je trouve que c'est pas vraiment un fait sexuel, mais quand même, le créateur de Family Guy, Seth MacFarlane, a confirmé à un journaliste que le personnage de Stewie Griffin est supposé être gay. Ah, ok. Ça change absolument rien. Non. Mais c'est ça pareil. Il est supposé. Supposé. Donc sûrement que si les personnages vieillissaient, ça donnerait ça. Ensuite, 60... j'ai dit... Il y a pas déjà eu une blonde? 60 ans. 60 ans. La réponse à la question, je sais pas, mais selon le créateur, il est supposé avoir soit devenir adulte, devenir gay adulte. OK. Ouais, quelque chose comme ça. 68% des hommes, oh mais là, je devais dire tantôt, et 59% des femmes ont eu une liaison sexuelle avec quelqu'un dans leur passé dont ils n'ont pas parlé à leurs copains-copines du présent. OK. Un petit secret. Un petit bien gardé. 68% des hommes, mais 59% des femmes. Essayer de garder une amitié avec quelqu'un avec qui t'es en amour va te donner les mêmes sensations que de la douleur physique. Oh. Tu vas vraiment avoir mal. Ça va être difficile. Ouais. L'alcool va rabaisser ou va abaisser le taux de testostérone chez l'homme. D'accord? Mais va l'augmenter chez la femme. Le niveau de testostérone, c'est ça. Testostérone. Bon, ben, tu veux-tu que je te paye un verre? moi, je bois du Perrier. Fait que là, toi, tu dois boire du Perrier et puis de l'alcool. L'alcool. Qu'est-ce que l'urétralisme? Urée, bon, tout de suite. L'urée, oui. Tralisme, ça, c'est quand elle est vraiment lisse et ultra lisse. Ultra lisse. Donc, de l'urée, ultra lisse. D'accord. C'est une activité sexuelle qui a rapport avec la stimulation sexuelle de l'urètre, l'embout, le petit trou dans le masculin. Dans le masculin. Non, juste ça, c'est la stimulation par ça, par le petit. Ah! Ouais, le besoin d'embrasser quelqu'un n'a pas d'explication physique selon les chercheurs. On sait toujours pas pourquoi les humains ont du plaisir lorsqu'ils échangent de la salive. Ah, OK. Il n'y a pas encore de raison définie pour ça. Un terme encore une fois en anglais que j'ai pas pris la peine de chercher. Urolagnie. U-R-O-L-A-G-N-I. Uro? Uro. Uro, la zone euro, européen. Zone euro. Parfait. OK. Lagnie. Non, il n'y a rien qui me vient là-dessus. C'est l'activité sexuelle où les participants ont du plaisir sexuel, évidemment, qui tourne autour de l'urine, de l'urination. Ah! Uro. Moi, comme l'uro, le fils. Log. Ah! Oh, wow! Tellement mauvais. Faire semblant de ne pas aimer quelqu'un peut causer du stress mental. Ça va augmenter le risque de dépression. Faire semblant de ne pas aimer quelqu'un que tu aimes. Mettons, tu as un kick, tu fais semblant, tu le caches. Ah, oh, puis là, tu te sens mal. Puis là, ça, dépression. Un bébé sur 5000 naît sans trou dans l'arrière. OK. Un bébé sur 5000, on doit lui en faire un. On doit le driller. Mm-hmm. Connais-tu les vacuum beds? Ben non. Vacuum bed, donc vacuum comme un aspirateur, c'est un appareil érotique utilisé dans le fétiche que certains gens ont, ce qu'on appelle le body enclosure fetish. Donc ça, c'est d'être renfermé dans de petits espaces, que ton corps soit renfermé dans de petits espaces, dans de petites choses, quelque chose qui te sert. Donc le corps va être enveloppé d'une couverture de caoutchouc avec un petit tube pour respirer. Et donc tu vas te sentir collé par le cuir, le caoutchouc, excuse-moi, le caoutchouc autour de ton corps. C'est un vacuum bed. Spécial. Ouais. Qu'est-ce que l'urophagie? Un petit peu comme tantôt avec... Uro. Donc, pipi. OK. Phagie. Une ancienne serveuse à HH. Wow! Inside. Mm-hmm. Non, je sais pas. Non, ben c'est ça, urophagie, c'est quand tu bois de l'urine pour des raisons sexuelles. Oh. Ouais. Mathieu, là, ce matin, là... C'est lourd. C'est lourd. Il y a une femme de 42 ans qui peut lever, tiens, parlant de lourd. Je la vois venir, je pense. Parlant de lourd, il y a une femme de 42 ans en Russie, on la salue, je pense qu'elle participe aux Olympiques du lever du poids. Le lancer du poids. Donc, du lever du poids. Oui, mais après ça, elle tourne. Ah oui, elle tourne avec ça. Mais elle lève 14 kg avec son entrejambe féminin, oh. Son vagin. En Russie. Hein? Beau ça. Poutine. Il y a plus ça. Oui. Je trouve ça kinky. 4 relations au travail sur 10. 40% des relations amoureuses au travail vont finir par un mariage. OK. C'est pas beaucoup. Non. Le rouge à lèvres était réservé aux femmes qui faisaient des relations orales à l'époque égyptienne, ben dans le temps. Donc, ils voulaient que leurs lèvres aient l'air attirantes. Ah, ben donc, oui. C'était pour attirer. Comme ça, ils ont l'air neufs tout le temps. T'sais. C'est ça. Le pourcentage d'Américains qui ont eu des relations lors de leur premier rendez-vous. Pourcentage américain, premier rendez-vous. Américain, d'après moi, c'est moins qu'on pense. 33%. 29, très proche. Ah. 29% des Américains ont eu des relations lors de leur premier rendez-vous. Les statistiques nous suggèrent qu'environ un Américain sur 5 a eu des relations avec un collègue au travail. OK. Un Américain sur 5. Roasting. Connais-tu le roasting? Non. C'est quoi? Tu te fais toaster? C'est pas comme un bien cuit. Les bien cuits, c'est un peu la même chose, mais c'est pas exactement ça. Roasting, en fait, c'est un terme dans le slang pour du sexe en groupe qui a une femme et plusieurs hommes. Une femme. OK. Peut-être roasting. Roasting. Roasting. Big wheel keep on roasting. Ouais. Qu'est-ce que l'orgasmalgie? Orgasmalgie. Ça, c'est la magie de l'orgasme. La magie! Magie! C'est quand tu sors un lapin. Là. Oui! C'est la douleur au niveau, au moment de l'orgasme, quand un orgasme est mal. Rien dans les manches. Un petit lapin. Irrumatio. I-R-R-U-M-A-T-I-O. C'est vraiment le mot en anglais. Irrumatio. Irrumatio. Elle s'appelait Irrumatio. Iru. Là, ça, c'est un nom typique. Iru. Iru. Okay. Asiatique. Oui. Puis elle fait des arts martiaux. Des arts martiaux. Iru. Martiaux. J'aime ça. Donc, c'est un style de relation sexuelle, dans le fond, où tu vas envoyer, faire des mouvements de va-et-vient avec ton engin masculin dans la bouche ou la gorge de l'autre. Ah, OK. C'est Iru Masio. Voilà pour la première partie. On prend une petite pause musicale de milieu de chronique. Et quoi de mieux dans un milieu de chronique autant que dans un milieu de jambes? C'est de calculer, faire des calculs. C'est Sexy Mathematics, The New Illusion. Hein? Mouvement de va-et-vient. Et de 1, 2, 3. De 1, 2, 3, 4. C'est électronique, tout ça. Ouais. Formule mathématique. Oui. Sexy Mathematics. The New Illusion. The New Illusion. Là, je me suis comme mêlé. Là. Je savais plus qui était qui. Là. Ouais. Je me souvenais plus qui allait dans la case artiste. Puis, là. Ouais, j'ai vu pire. Ouais. J'ai vu pire. Mais quand tu y penses, finalement, ça fait du sens. C'est ça. Comme un lapin dans un genre oui. Féminin. Ça fait du sens. Donc, toujours dans... tu te dis comme... Ah, ben, c'est juste normal. Ben oui. T'sais. Donc, toujours dans Kinky Sexy Time, où on parle de choses osées pour un public plus ou moins averti, on était rendu à parler de Wild Castle. Est-ce que tu connais les restaurants Wild Castle? C'est des petits hamburgers carrés. Ah oui. J'ai des amis qui sont allés en road trip juste pour aller manger un petit burger. Je les comprends. Ça a l'air que c'est très, très bon. On voit ça dans le film Harold et Kumar là, qui chasse le burger. Là, oui. Je sais pas quoi. Ça a l'air vraiment bon. Ils en vendent dans les épiceries aux États-Unis des petits burgers Wild Castle. J'en ai cherché au Québec. J'en ai cherché physiquement pendant plusieurs semaines. Jamais trouvé. Impossible. Ah, pas distribué ici. Mais non. Donc, c'est ça. On peut prendre une réservation chez Wild Castle et d'autres restaurants de fast-food pour la Saint-Valentin. OK. C'est tout à fait vrai. C'est de plus en plus populaire aux États-Unis. Les restaurants, les grandes chaînes ferment leurs restaurants à cette occasion-là pour la Saint-Valentin et vont seulement laisser entrer les gens qui ont une réservation. Donc, il y a Waffle House, qui est une place pour des gaufres et autres trucs comme ça. Il y a Chick-fil-A's, un restaurant de poulet. Il y a Pizza Hut même, qui va complètement all-in dans le concept. Ils offrent un ensemble pour 10 000 $. Okay. 10 000 $ pour 10 personnes, 10 couples en fait, 10 couples, donc 20 personnes. Ça vient avec 10, des boîtes de repas de 10 $ chez Pizza Hut, okay, c'est une boîte repas tout inclus. Les autres 10 000 $, c'est une bague, il y a quelqu'un qui va filmer le tout, il y a un service de limousine, un spectacle de feu d'artifice et un photographe pour la Saint-Valentin. All in, hein, pour Pizza Hut. 10 000 $ pour une boîte pizza, une boîte repas de 10 $. Non, c'est 10 boîtes repas, j'imagine. Pour, oui, mais toi, tu manges pour 10 $. C'est ça. C'est cheap, hein? Ben, à 10 000 $, moi, je me serais payé un vraiment bon resto. Hey, c'est ça. Hey, je me serais farcé à la croûte bien plus que ça. Eh ben oui. Chose de genre. Farcé la croûte, encore. Oui, oui. Ouais. Ben là, j'ai le goût de ça, là. Moi aussi. Ah, merde. On va dîner, là, il y a un buffet du midi. Tiens, parlant de ce qui a causé ça chez moi, c'est une des chirurgies cosmétiques les plus populaires chez les Américains. C'est la réduction mammaire pour les hommes. Ah, OK. T'sais, j'ai une petite poitrine, là. Donc, aux États-Unis, en 2010, on a vu 18 256 cas de réduction, de chirurgie de réduction mammaire chez les hommes. C'est donc la quatrième chirurgie esthétique la plus populaire chez les hommes. J'aurais jamais deviné ça, moi Mathieu. Moi non plus, mais non. Pourquoi? Pourquoi? T'es viril, t'as du mamelon? T'as du mamelon. Entre 2009 et 2010, les hommes donc étaient patients au début de 10% de ces chirurgies-là. C'est monté à 13%, donc les hommes versus les femmes pour la chirurgie mammaire. Et puis c'est ça, donc ça dit que surtout ceux qui souffrent de gynécomastie, qui est une condition qui cause une poussée anormale de la poitrine chez l'homme. Gynécomastie, c'est quand tu commences à avoir un petit peu trop de sein. Ensuite, on parle toujours d'implants mammaires. Le premier patient de ces chirurgies-là était un chien. OK, c'est vrai. Donc, c'était pas aussi glamour qu'aujourd'hui. C'était pas juste des hôpitaux de Beverly Hills qui faisaient ces chirurgies mammaires-là. Donc, le nom du pauvre chien était Esmeralda. Donc, une chienne. C'est la première à avoir eu une augmentation mammaire. C'est ça. C'est la première qui a eu des sacs de silicone pour un look un petit peu plus naturel. Donc, c'était pas la première augmentation mammaire en général, mais c'est la première fois qu'on utilisait des sacs. Okay. Docteur Cronin et son équipe faisaient des expériences, développaient de nouvelles façons de faire des implants mammaires en 1962. L'idée des sacs de silicone est arrivée quand Thomas Biggs, un résident chirurgien de 29 ans, oui, visitait une banque de sang, tu sais, genre où t'emmagasines le sang. Puis là, il a vu la poche. Il a vu la poche parce qu'avant, c'était des bocaux de vitre. C'était passé au sac. Donc, il s'est dit, on pourrait faire la même chose pour les seins. Je sais pas si c'était des bouteilles qu'on avait avant, des bouteilles de vitre dans la poitrine. D'après moi, non. C'était cylindrique. Oui, c'est ça. Dans le temps, c'était bien à la mode, les pics. Seins, ouais. Donc, ils ont essayé cet implant mammaire-là sur un chien et apparemment, ça a bien fonctionné. Donc, la première patiente humaine était une femme du nom de Timmy Jean Lindsay, qui, elle, était intéressée à se faire modifier les oreilles. Elle est entrée pour une chirurgie pour les oreilles. Et là, les docteurs lui ont dit, « Bon, on va te donner la chirurgie des oreilles gratuitement. Okay? » Donc, si tu nous permets de travailler sur tes seins. Elle a dit oui. Et aujourd'hui, elle est rendue à 85 ans. Elle travaille dans une maison pour personnes âgées du Texas. Elle travaille dans une maison pour personnes âgées. Donc, elle n'est pas habitante là-bas de cette maison-là. C'est ce que l'article me fait comprendre. Donc, c'est vraiment celle qui a les plus belles oreilles puis les plus beaux seins. C'est ça. Ils sont trompés dans les oreilles à la place des seins, les seins à la place des oreilles. Je t'entends pas, j'ai une poitrine dans l'oreille. Attends, laisse-moi passer le Q-tips. Ouais. En Chine maintenant, tiens, on doit empêcher les danseuses à des funérailles. Parce que c'est dans leur culture chinoise, là, eux, l'honneur est très, très importante ou important. Donc, plus il y a de gens qui se présentent à une funéraille, plus la personne morte, dans le fond, reçoit de l'honneur. C'est parce que t'as beaucoup de monde, donc c'est un honneur. Les gens payent ça pour avoir du monde. Ben, les gens, en fait, invitaient des danseuses. Donc, pour attirer des gens à la funéraille, ils invitaient des danseuses. Donc, les danseuses arrivaient là, ça attirait des gens parce qu'ils voulaient voir les danseuses et non pas la funéraille. Et finalement, ça faisait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde et donc tout plein d'honneur. Les autorités, la police, donc, disent que c'est des performances obscènes. Ils ont arrêté 5 personnes dans une petite ville en campagne après avoir organisé une funéraille avec des personnes nues qui dansaient. Nues! Quel manque de respect! Ben oui. Puis là, ils se sont rendus compte que les gens mettaient beaucoup moins d'argent pour les fleurs. Parce que dans on avait tout donné, oui. Puis là, il a amené leur Q-tip parce que c'était encore la fille avec les soins. Oui, elle est tout le temps là, elle. Dans chaque histoire. Ça me fait rire, ce genre de récurrence-là. Oui, hein? Oui. C'est ça qui est le fun. Oui. Ouais. 3% des femmes enceintes vont donner naissance à des jumeaux ou jumelles. Une augmentation de 65% depuis 1980. OK. Faut faire attention. Oui, faut faire attention. Faut faire attention, c'est un vrai fléau. Calomnie. Entre 1980 et 1998, le nombre de triplés et autres multiples, donc d'autres naissances multiples, quadruplés, quintuplés, etc., a augmenté de 400%. En 2003, 535 naissances étaient des triplés ou plus. Vos chances d'avoir des jumeaux ou jumelles augmentent alors que tu vieillis. À l'âge de 45 ans, tu as 17% des chances d'avoir des jumeaux ou jumelles. D'autres facteurs qui vont augmenter les chances d'avoir des naissances multiples sont des médicaments pour la fertilité. Avoir d'autres ensembles de jumeaux et plus dans ta famille. Avoir un indice de masse corporelle de 30 ou plus. Être dans le 25e pourcentile, c'est bien ça qu'on dit en français, pourcentile, du haut, donc pour la grandeur, donc plus t'es grand, plus t'as de chance. Ou venir du Nigeria, c'est bien ça encore une fois en français, Nigeria. Nigeria. Donc le nombre de jumeaux là-bas, le taux est de 1 pour chaque 22 naissances au Nigeria. Hé, hey, misère. Ouais, en tout cas. J'aimerais mieux la multiplication des Nigiris. Ça, c'est des petits sushis, hein, je pense. Oui, que... des Nigris. Nigris. La blague qui tombe à l'eau quand tu le dis pas comme faux, hein? www.whitehouse.com, c'était l'adresse, le nom de domaine pour un site de pornographie qui avait des photos d'Hillary Clinton nues. Whitehouse.com, on sait que whitehouse.gov est le site de la Maison Blanche. Donc, le designer de page web Dan Parisi a acheté les droits de whitehouse.com en essayant de changer ça en site de parodie de nouvelles du gouvernement. Donc, le trafic était lent, donc n'allait pas très, très bien. Il a décidé de changer de contenu pour faire un site de pornographie, whitehouse.com. Il y avait des photos photoshopées de Hillary Clinton avec un petit fouet en cuir. Oh! Puis des vêtements en cuir et tout ça. C'est ça, avec Bill Clinton aussi sur le site, qui lui n'était pas tout nu, à ce que je comprends. Le trafic a triplé quand le site est devenu complètement pornographique. Malheureusement, par contre, le site web violait une règle de la Maison-Blanche, une politique qui dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser le nom Maison-Blanche. Je pense que c'est assez évident. Ou l'image des gens de la première, de la famille, famille royale. présidentielle. Donc le site a été fermé assez rapidement. Et savais-tu qu'au Japon, c'est illégal pour la pornographie de montrer de la pénétration? Ah, t'as pas l'air de montrer des pénétrations au Japon. Donc, une façon de contourner ça, c'est évidemment de pixeliser le tout. Flouter, comment on dit? Il y a une autre façon aussi pour rendre ça un petit peu plus... un petit peu moins plate, parce qu'à un moment donné, flouter, c'est plate un peu. Donc, les Japonais ont trouvé une autre solution, c'est d'utiliser des tentacules de pieuvre. Ouais, donc la loi ne permet pas, donc empêche spécifiquement de montrer un engin masculin entrer dans un engin féminin. Donc les producteurs ont remplacé ça par d'autres objets, par exemple des tentacules de pieuvre. Il y en a d'autres formes, comme ça, ben, d'autres trucs de la même forme, au lieu de pixeliser. Ah! Ouais, ça. Allez voir, il y en a sur Internet un peu partout. Là. Tentacle porn. Ouais. Comment qu'on se sent, tu penses? On file pas ça pendant tout. Non. Mais ça donne faim, par contre, pour encore des nigris, c'est ça? Des nigris, oui! Moi, ça, je dirais pas non. T'espères qu'ils sont lavés et qu'ils n'ont pas été là avant? T'as un an avec la pieuvre dedans? C'est ça. C'est une question aussi d'encre. Les pieuvres, oui. J'espère qu'ils ont bien été vidés. C'est une histoire qui va faire couler beaucoup d'encre. C'est ça, c'était carrément ça. J'adore. Voilà, je pense que ça termine bien King Sexy Time pour aujourd'hui. Auguste s'en vient dans quelques instants en musique. Voici leur pièce 3 jours en hiver. Et après ça, ben d'autres chroniques et tout plein de plaisir. Trois longs jours et je m'en irai. Je compte chaque seconde, car décembre est long presque supportable depuis que tu n'y es plus. Ici la lune ne brille pas, ici les tours sont comme des rois. Et quand la neige fondra en mai, je serai à toi. De longs jours et je m'en irai. Ici, le temps c'est comme le vent. Et je pense à tout, et je pense à rien. Et ça me tue en dedans. Ici la lune ne brille pas, ici les tours sont comme des rois. Et quand la neige fondra en mai, je serai à toi. Je m'en irai loin de cette ville malade, car je tiens sur un fil qui ne tient à rien et qui cassera bientôt. Ici la lune ne brille pas, ici les tours sont comme des rois. Et quand la neige fondra en mai, je serai à toi. Ici la lune ne brille pas, ici les tours sont comme des rois. Et quand la neige fondra en mai, là-bas les lumières ne brillent que pour toi. Là-bas j'en rêve depuis longtemps. Trois jours en hiver de Auguste. Et au retour, notre correspondante Karine Tardy parle avec les trois accords à Assemblage Requis. Reste là. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. C'est fou. 89 ans. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. On fait le retour à Assemblage Requis avec Jean-Philippe Charbonneau et Mathieu Plante. Mm-hmm. On a d'autres petits contenus pour vous, mais pour l'instant, ce qu'on veut faire, c'est focusser sur les trois accords qui étaient en spectacle très récemment, ici même, à Trois-Rivières, n'est-ce pas, Jean-Philippe? Oui, ben écoute, on peut y aller en rafale. Moi, ils sont venus plusieurs fois, en fait. Oui. Si, mettons, on y va de cet été, au Festivois. Ouais. Après ça, ils sont venus ici à l'UQTR. Dans le cadre du carnaval. Donc, écoute, ça fait quoi, déjà 3 semaines? À peu près, ouais. Mon Dieu, que ça passe vite. Et puis, ils étaient en fin de semaine au Nuit Polaire. Mm-hmm. Et notre correspondante Karine Tardy les a reçus en entrevue. Ça va être au milieu de deux pièces des trois accords. Donc, dans ce marasme composé de croquer des coups et de retour à l'Institut, tout de suite. Oui, tiré de leurs deux derniers albums. Oui. Assemblage Requis. Pour toi aujourd'hui. Je m'en retourne à l'Institut, à l'Institut, à l'Institut. Je m'en retourne à l'Institut. Donc, je me trouve avec Pierre-Luc, le bassiste des Trois Accords. Bienvenue, Pierre-Luc. Bon matin. Bon matin, oui, c'est ça. En fait, est-ce que c'est la première fois ici, je me demande, là, que vous jouez à l'UQTR? Non, ça fait plusieurs fois qu'on vient. Dans nos débuts, on est venu genre 3 ou 4 fois à la chasse-galerie. On s'en rappelle pas tant que ça. Et dans la salle qu'on joue ce soir, on est déjà venu il y a 6-7 ans en première partie des Vulgaires Machins. OK. Puis là, ce soir, vous jouez, dans le fond, en spectacle principal à l'UQTR pour le carnaval. Est-ce qu'on se prépare différemment pour un spectacle comme ça ou ça ressemble à la même préparation qu'un spectacle en salle ou... En fait, c'est la même chose, c'est les mêmes habitudes, la même routine qui s'installe. Ça veut dire, premièrement, on arrive dans la ville, qui est Trois-Rivières. Ensuite de ça, on fait notre balance de son. Il y a le souper. Après ça, il y a le thé, la sieste, les étirements, la prière, le spectacle et le retour à Drummondville après. Tout ce qui est important, dans le fond. Mais là, si je comprends bien, bon, il y a une petite routine installée. Est-ce qu'il y a des chansons que vous êtes tannés de faire en spectacle ou s'il y en a que vous tannez pas du tout non plus? Sans joke, il y en a pas qu'on est tannés. Il y a des chansons qu'on joue à tous les spectacles et d'autres chansons qu'on varie. Il y a des demandes spéciales. Des fois, il y a des fans trop motivés avec la voix trop forte qui demandent une chanson et on la fait. Parce que ça nous tente, puis pour rendre les gens heureux. C'est bien ça. Puis par rapport à Trois-Rivières, qu'est-ce que si Trois-Rivières était une chanson, mettons, qu'est-ce que ça vous inspire? Trois-Rivières, c'est une belle ville. On pourrait parler du pont. On pourrait parler du Stratos, la pizzeria Stratos, parce que nous, on est des amateurs de poutine. Et à Trois-Rivières, il y a la maison mère de pizzeria Stratos. Donc, on pourrait aller composer une chanson en mangeant une poutine au pizzeria Stratos. Puis vous êtes des fins connaisseurs de poutine parce que vous organisez justement depuis 6 étés, si je ne me trompe pas, le festival de la poutine. Ouais, c'est fou, hein? Ça va vite la vie. C'est fou. j'ai une question, c'est fou justement, une question un petit peu folle. Si, dans le fond, par rapport au thème du carnaval étudiant qui est les années 90, les Trois Accords étaient un Pokémon, quel Pokémon serait-il? Ah, ben ça serait le nouveau Pokémon qui n'existe pas encore. Il s'appelle Pierre-Luc. Il a le même nom que moi. C'est un beau nom de Pokémon, ça, Pierre-Luc. Puis en terminant, comme on se trouve à l'UQTR, est-ce que tu aurais un message à adresser aux étudiants qui nous écoutent et qui s'apprêtent à aller voir votre spectacle? Premièrement, arriver en forme, parce que c'est un spectacle très énergique. Arriver en forme, arriver avec un petit peu d'argent, parce que vous allez vouloir acheter nos albums. Puis on a 4 albums, plus un DVD en vente et des T-shirts. Donc, vous allez être vraiment accro à notre musique si vous ne nous avez jamais vus. Et on va se revoir pendant tous les autres spectacles du restant de notre carrière. Ouais, ben d'ailleurs, justement, on va se voir dans pas trop longtemps aux Nuits polaires. Vous venez nous voir à Trois-Rivières, donc on va se voir là. On va se voir là, on va avoir notre tuque et nos gants. Oui, parce qu'il fera pas chaud. Ben c'est pas mal tout. Merci Pierre-Luc, puis je vous souhaite un très bon spectacle ce soir à l'UQTR. Merci. Personne ne trouve que c'est tout à fait sain, que tout est meilleur. Les Trois Accords et leur pièce Croquer les coups, c'est ma préférée des Trois Accords. C'est sur un de leurs très vieux albums, Dans mon corps. Oui. Et avant ça, on a entendu une pièce du plus récent, J'aime ta grand-mère. Oui, avec Je m'en retourne à l'Institut. Et voilà. Maintenant, tu sais, parlant de choses qu'on aime, on remercie évidemment Karine Tardy, qu'on adore, d'avoir fait cette entrevue-là. Merci beaucoup. Et écoutez-la les jeudis soirs à son émission Les Audacieuses à 21h. Exact. Voilà. Nous, on passe aux choses qu'on aime personnellement, vraiment comme dans notre cœur, le cœur, le cœur de rock. Le cœur. Voici Tu manges mon cœur. Si tu manges mon cœur, la collée des coups de cœur des animateurs, l'assemblage requis. Oui. On a tellement de choses à vous partager. On le fait pas assez souvent, donc quand on arrive pour le faire, on a plein de choses à vous dire. Et Jean-Philippe, tu commences en musique. Oui, écoute, je commence en musique. Puis là, je fais un petit retour en arrière. Je sais, même si on est un peu plus dans le milieu de la semaine. Bip! Oui. On recule en arrière. Je vais vous parler un peu des nuits polaires que je suis allé faire un tour en fin de semaine. T'avais le nuit pol à l'air. Le nuit pol à l'air. Puis ça n'a pas bien passé avec la sécurité. Non, hein? grossière à descente. Mais oui, mais je me suis fait sortir. Puis j'ai dit, ben c'est ça, je suis déjà dehors, ben c'est ça. Je me suis fait sortir. Oui, je me suis fait sortir. Kinky pas mal, ça. Puis, donc, tu sais, je suis allé faire un petit tour de jour pour le plaisir, voir un peu de quoi ça avait l'air. Bon, c'est sûr que c'est très familial. Mais le soir, très, très agréable spectacle de Mister Valère. Moi, je suis pas allé aux Trois Accords, puisque bon, ça faisait quand même quelques fois là, que je les avais sans cesse. Une fois par mois, t'as comme une carte d'abonné genre au show des Trois Accords. On dirait que c'est tout le temps à Trois-Rivières. Oui, mais quand même, ils sont très souvent dans le coin. On a laissé tomber aller voir leur spectacle. Sauf qu'on n'a pas hésité vraiment à aller voir Mister Valère, qui ont fait une prestation dans le fond de leur dernier album, qui est Bellevue. Puis écoute, c'était incroyable, tout simplement incroyable. J'étais déjà allé les voir au Centre Phi, j'en avais déjà parlé. Bon, Alexandra Kerrigan en a parlé aussi. C'était un peu un pre-show là, où ils ont fait beaucoup de chansons qui referont plus. Ah. Donc là, c'était vraiment leur album avec, ils retravaillaient aussi. Là, ils ont quand même rodé leur show depuis. Donc vraiment un show excellent. Là, si vous avez la chance d'aller les voir, on pourra retrouver les dates, là, si vous voulez, prochainement là, pour des spectacles à venir. Mais vraiment, là, des gars qui en ont dedans, le party a levé là, vraiment incroyable. Son un peu différent. Je sais que les gens, il y en a qui préféraient l'ancien Mister Valère. Là, ils sont allés sur d'autres choses. Moi, j'adore un peu les deux avenues, Bellevue Avenue. Mais, c'est quoi les changements? Tu les décrirais comment? Est-ce que c'est parce que je sais qu'au début, c'était très, très instrumental, ça chantait pas beaucoup, c'est devenu plus chantant, plus popesque. Je pense qu'ils se sont fait reprocher un petit peu le fait que c'était trop instrumental. Bon, c'est un choix de groupe, c'est des choix personnels. Là. Moi, je trouvais ça excellent. C'est un peu quelques chansons un peu plus rappées. Tu sais, c'est sûr que c'est leur style, mais peut-être un peu plus que leur dernier album, là. Leur avant-dernier, en fait. Là. Donc, vraiment, puis des chansons qui me font rire aussi, là, comme je vais vous proposer après, peut-être. Et donc, voilà, des gars qui en ont dedans, qui sont généreux aussi. Je pense que s'ils avaient pu continuer, ils l'auraient fait, mais il y avait une limite de temps à ne pas dépasser à cause des permis de la ville et tout, la zone résidentielle, etc., etc. Donc, on voyait le gars faire comme Michael, c'est vraiment la dernière. Là, tu peux plus. Pas de rappel. Non, ils en ont fait. Puis finalement, le gars, il était vraiment, OK, on peut peut-être étirer 3 minutes, là, mais pas plus. Le gars, c'était un fan, sûrement, le gars qui s'occupait de la loi. Oui. C'était comme une petite dernière. Non, je pense que c'était quelqu'un qu'il fallait écouter. Mais toi, t'es fan depuis longtemps, même que t'es, si je me trompe pas, abonné à leur service mensuel. Oui, écoute. Tu l'as encore? Oui, je l'ai. Je suis encore. Il appelle ça Ghoster. C'est un peu un service nouveau qui a été initié. Je pense que Radio le fait aussi, mais genre, ça pas. Moi, c'est pas ton genre. Ben, j'aime ça, mais pas assez. Donc, c'est 9 $ par mois. Ouais. Et puis, bon, dans le fond, on a accès à des spectacles gratuits. Genre, parenthèse. Ça vient dans le prix, mettons? Oui, c'est ça. Si tu ne vas pas, t'es perdant. T'sais. Oui, exact. Mais tu sais, comme on pouvait aller au lancement, malheureusement, tu sais, j'étais pas disponible cette journée-là. Mais on est allé au Centre Phi gratuitement. On a soit des primeurs, on a une page Facebook juste pour les ghosters. Puis en tout cas, une belle. Quand même le fun, là, ce qu'ils peuvent nous partager des clips en primeur. Bon, c'est sûr qu'on va finir par voir ce contenu-là. Ils travailleront pas juste pour les fans qui ont payé leur montant, ça va finir par être grand public. Sauf un que, jour. Tu sais, j'ai accès à des spectacles que je peux revoir qui ont été filmés, mais que c'est pas. Ça c'est un bon avantage. Ouais, c'est ça. Probablement qu'ils vont en faire un DVD. Ouais. Avec la qualité de captation. 1080p. Ouais, quand même, là. Puis les micros, Sennheiser un peu partout, la salle. Wow. En tout cas, c'est assez impressionnant. Donc vraiment, ils vont souvent faire un DVD, mais pour l'instant, moi, je peux l'écouter en boucle. Ben oui. Voilà. Ben oui. Hey, donc, c'est génial. Voilà, un petit coup de cœur aux Nuits polaires qui ont vraiment fait une programmation quand même assez intéressante cette année. Est-ce que tu es allé voir autre chose que ça? Je suis allé voir le site. Okay. Comme je disais, là, il y avait des rigodons. En tout cas, il y a eu quelques... c'était vraiment plus familial. T'sais, on a eu du fun. Là, on s'est tiraillé dans la neige. C'est vraiment pour les enfants. Là. Il y avait un stand où on pouvait se battre à l'épée mousse. Hein? Oui. Bon, ça, puis j'étais avec un ami qui doit être capable de lever 3-4 autobus. Lui, je pense qu'il y a une vraie épée genre, chez eux. Donc, j'ai dit s'il était game d'aller jouer avec les enfants. Puis, pour la sécurité de tous, finalement, on lui a dit vraiment pas le faire. Donc, non, c'est ça. C'était plus familial. On a eu du plaisir à se promener dehors, là, mais avec les kiosques de bouffe. Ah, c'est il y avait cool. des food trucks. Des comment? Des food trucks. Ah oui, comme à Montréal. Oui. Il y en a un de Planète Poutine. Quand même très drôle, puisqu'il est à côté. Ben ouais, c'est ça, c'est 2-3 pas, mais il fait froid, fait que c'est normal de pas marcher. Ben, c'est une belle, c'est le fun de l'offrir. Puis il y avait M. Gonfre. Ah, maudit, j'ai manqué ça. Ça existe encore, M. Gonfre? Ben, en tout cas. Ça a dû déménager parce que ça avait fermé dans la place où je savais que c'était. Ben, il y a un food truck, en tout cas. Eh ben, tant mieux, voilà. C'est cool. Yes, donc, Nuit polaire, évidemment, chaque année au mois de février. Oui. On surveille ça l'année prochaine en 2015. Oui, et Mr. Valère. Quand vous voulez, oui. Sur leur site mv.mu. Ben moi, je pense que ça séparerait bien notre petite chronique « Tu manges mon cœur en deux », étant donné qu'on a le temps. Allons-y avec une pièce tout de suite de l'album « Belle vue ». Choisis-nous une pièce. Oui, ben écoute, moi, une chanson que j'aime particulièrement, que je trouve très drôle, si vous nous écoutez à la maison, dans l'auto, portez attention à ce qui peut être dit, c'est « La nature à son meilleur ». C'est un peu des petites séquences qui ont été prises à la chronique « Chasse et pêche » de RDS. Et puis ça me fait rire. La nature à son meilleur, Mr. Valère à Assemblage Rookie. On va faire ça, puis après ça on fait des trous, puis après ça on va pêcher. Après ça, ça va être la bière. Bon, on passe ça. Mais quand je sais que je m'en vais pêcher, il n'y a rien à m'arrêter. C'est vraiment, vraiment un sport incroyable. Je te lève ça comme ça. Mister Valère avec la nature à son meilleur. Dans la chronique, wow! Tu manges mon cœur! Oh, la nature! Je capote! C'était vraiment très bon. C'est sur l'album Belle Vue. Pour vrai, c'est cool, Mister Valère. Ça manque dans ma vie. J'en veux plus. Tout est possible. Tout est possible. Peut-être tantôt, hein? Peut-être à la fin de l'émission. Parlant de fin de l'émission, c'est bientôt. Donc, allons-y avec mon coup de cœur à moi. Vas-y, Mathieu. Toujours dans la chronique, tu manges mon cœur. Tu sais, un téléphone cellulaire, tu connais ça? Ça, c'est un iPhone 5. Parfait. Toi, ton iPhone 5S, mais c'est pas mal la même chose, OK? Oui, on est à quelques différences près, mais pas tant que ça. À un an de distance, on remarque à peine. Le problème, souvent, quand tu prends des vidéos avec le iPhone, c'est que les vidéos vont être verticales. Quand tu tiens ton téléphone correctement, comme un téléphone normal, oui. Tu vas prendre les vidéos à la verticale, tu vas arriver sur Facebook ou sur YouTube et ta vidéo va avoir des barres noires sur les côtés qui sont plus larges. Et tu le vois tout petit parce qu'il est scroppé. On s'entend que c'est pas scroppé. Fort. Croppé, ouais. Croppé. Et moi, mon beau-père, je le salue, est convaincu que c'est comme ça qu'il faut prendre des vidéos parce que lui, quand il les reçoit sur son téléphone, quand il reçoit un vidéo qui est à l'horizontale, il apparaît tout le temps avec des barres noires de l'autre côté sur son téléphone. Fait que lui, il est convaincu, dans sa tête, c'est rendu, vu que son iPhone est sa machine préférée, que les vidéos devraient être prises à verticale. Mais c'est faux! Devrait être prêt à l'horizontale parce que sur les iPads, sur les portables, ben sur les ordinateurs de bureau, et YouTube, Facebook, tout est à l'horizontale. Donc, c'est capable de prendre une vidéo à la verticale. On se comprend là-dessus? Oui. Donc, il y a une nouvelle application qui s'appelle Horizon. OK. Qui vous règle le problème. Ah! En prenant le truc qui fait que c'est tout à l'horizontale, le niveau à l'intérieur, c'est le... Comment t'appelles ça? Il y a un nom pour ça. Non? C'est le niveau. Bref, le niveau. Mais tu sais, ce qui fait que l'iPhone est tout à au même niveau avec la petite ligne. Donc, et tu peux choisir de tout le temps garder ta vidéo de la même façon. Donc, mettons, je suis à la verticale, il va faire un petit cadre dans le milieu. OK. Et il va, à la fin, quand il va générer la vidéo, ça va te donner le résultat plein écran horizontal, mais avec le téléphone pris à la verticale. Et quand tu brasses ton téléphone, il va tout le temps garder les choses droites. Ah oui, OK, je comprends. Donc, mettons, je prends une vidéo de toi en train d'animer, je le centre sur le carré, et j'ai beau tourner le téléphone de côté. Il va tout le temps être au milieu. Tu vas tout le temps être au milieu et tout le temps à l'horizontale, peu importe comment je fais. Et ça utilise une technique de cropping et de zoomage pour le faire. Donc, tu le vois, tu sais, si je me prends en vidéo et que je le vire sur le côté. Incroyable. Tout se zoom tout seul. C'est donc une application à 1$ par un studio grec qui s'appelle Evil Window Dog. Et ça propose donc de s'assurer que les vidéos prises soient toujours parfaitement horizontales. Ça apporte plus de stabilité que l'appareil vidéo normal de l'iPhone. Ça permet de filmer sans problème dans les situations un petit peu difficiles. Par exemple, une situation où tu aurais de la difficulté à tenir ton téléphone. Donc, t'es vraiment, t'es mal pris, un petit peu n'importe comment, t'es mal pris. Ça va tout le temps se centrer. Donc, l'application permet de filmer en 1080p, 720p, un paquet de différents formats. Il y a aussi des filtres un peu à la Instagram et autres. Il y a aussi la géolocalisation des vidéos, donc pour savoir où ça a été pris. Bon, ouais, quand même, c'est complet. C'est très cool. C'est disponible pour iPhone 5 et plus sur iOS 7 et c'est 1$ seulement. Je viens de l'acheter tantôt parce que je trouve ça vraiment cool. Tu peux aussi, il y a différents modes. Là. Je sais qu'il y a un autre mode où tu fais juste la rotation. Donc, tu peux, à la place de zoomer, il va seulement vraiment faire tourner le cadrage, mais va tout le temps prendre le même niveau de zoom. OK. L'autre, le zoom and rotate, va vraiment focusser sur l'objet que tu essaies de filmer pour vraiment qu'il soit tout le temps à la même distance de la caméra. Wow. Exact. Donc, c'est très bien fait. Tu peux aussi te désactiver et seulement te servir de l'appareil photo et de l'appareil vidéo, pardon, de l'application Horizon. Mais bon, c'est pas vraiment la raison d'utiliser cette application-là, de juste prendre une vidéo normale. Oui, quand même. Donc, j'ai mon petit 1 minute 20, ça va générer. Et après ça, on devrait pouvoir voir de quoi le résultat en retourne. Donc, c'est vraiment cool. Horizon est le nom de l'application. Et puis, peut-être que je pourrais même, à la fin de l'émission, poster... Notre petite vidéo! La vidéo sur Facebook. Tu vas le voir. J'ai viré un paquet de fois pendant la... Wow! Pendant le truc. C'est vraiment très, très cool. Donc, c'est Horizon. H-O-R-I-Z-O-N. Donc, OK. Oh, ouais, je comprends. Wow! Fait, pis ça zoom pis tout, là. C'est ça. Là, on voit la portion où je me filmais moi-même. Non, c'est vraiment bien fait pour vrai. Horizon, ça fait longtemps que je viens en parler. Et me v'là. C'est fait. C'est fait. Yeah! Et ben, pour que tu manges mon cœur. Oh, génial. Ouais! On fait ça une fois de temps en temps à Assemblage requis. Quand ça donne. Nous, ça va être la fin de l'émission tout de suite. OK. C'est triste, hein? Ben, ça finit vite. Ouais, c'est ça. Bon, on va finir avec une chanson, tiens, à la toute fin. OK. Après le superbe générique de fermeture que voici. On remercie Marie-Laurence Audet. Oui, qui est venue nous parler de loisirs. Loisirs. On avait aussi Jean-Samuel Gay. Oui, dans sa chronique PRNDS. Demain, à l'émission, Alexandrine Pichessir nous fera goûter au meilleur chocolat de Trois-Rivières dans la crème de la crème. Ben ouais, tu manques ça, que veux-tu? Cindy Gilbert va nous chicaner d'avoir mangé ce même dit chocolat dans sa chronique Activez votre santé. Et Stéphanie Paradis va survoler avec nous le plus récent numéro du journal Zone Campus. C'est demain entre 6h30 et 9h30 en direct à 7h30. Toi, JP, c'est ta fin de semaine d'émission à partir de là. Oui. T'es seulement le lundi-mardi. Stéphanie va co-animer avec moi mercredi-jeudi. Exact. Mais merci d'être là. Ben, ça fait plaisir. D'exister. Ah, ah oui. Qu'est-ce qu'on fait sans toi? Restez sur nos ondes parce que plus tard, c'est Dîner de con à 11h avec Danny Janvier. En après-midi, c'est Rock Classique avec Alain Lefebvre. À 19h, réanimation avec Métal et Horreur. Dans quelques instants, dans moins d'une demi-heure, ce sera Les Mâles Honnêtes, l'émission d'affaires publiques à cifou.ca. Pour la programmation complète, les entrevues, les photos, les contacts, tout ce que vous voulez. Les contacts. Les contacts. Surtout les contacts. Et assemblagerequis.com. Pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. On se quitte avec une autre pièce de Mystère Valère. Choisis-la, t'as 10 secondes. Ah! La musique commence à s'en... Attends un peu, là. Tu me prends de court, là, Mathieu. Excuse-moi. Attends, là, regarde-moi ça. Moi, si tu veux, je t'en choisis une, je vais t'en choisir. Moi. Non. Non. Okay. Non, pas du tout. On peut mettre Banana Land. Oui. Parfait. J'ai paniqué. À demain, tout le monde. À lundi prochain, JP. Fais-moi plus jamais ça, Mathieu. Merci, à la surprise à toi. Il faudrait pas que je t'écris, que je te fasse un surprise party, puis je fasse surprise! Oui, oui. C'est comme moi, là, je voulais savoir à l'avance. Je voulais pouvoir me préparer. Ben oui, je suis pas chixé. Pourtant, en tout cas, on n'a pas la même définition de chixé.